Ainsi se conclut cette première Nuit des féminismes, un programme d'émission d'archives consacré à quelques pionnières dans la longue histoire des combats pour l'égalité entre les hommes et les femmes en France, dont nous voyons de nouvelles pages s'écrire depuis quelques années. Nous avons pu entendre cette nuit une émission consacrée au rôle des femmes pendant la Révolution française, diffusée dans la Fabrique de l'Histoire en 2013, une conférence de Xavier Gauthier sur Louise Michel, retransmise dans l'Éloge du Savoir en 2012, un documentaire consacré à Madeleine Pelletier, figure féministe de la Belle Époque. Il était signé Céline Duchesnay pour l'émission Une vie, une œuvre en 2017. Après quoi, dans la seconde partie de cette nuit, après avoir reçu Martial Poirson et Laure Godineau, venus nous parler de l'histoire de la violence féminine en Occident, ouvrage auquel ils ont collaboré, récemment paru au Seuil, nous avons écouté Djamila Debbèche, une personnalité un peu oubliée de l'histoire algérienne, qui a milité pour la promotion des femmes en Algérie. Elle était reçue par Tao Samrouche en 1962. Puis trois volets d'une série de Chemins de la connaissance consacré à quelques figures emblématiques des combats menés par les femmes pour la défense de leurs droits au XIXe siècle, et parmi elles Flora Tristan. Louise Weiss, ensuite, dans une archive de 1981 qui évoquait ses souvenirs de militante suffragiste. Et enfin, à l'instant, nous écoutions Simone de Beauvoir, venue présenter sur la chaîne nationale Le Deuxième Sexe, juste après sa parution en 1949. Florence Rochefort, nous avons ouvert cette nuit en votre compagnie tout à l'heure. Nous nous retrouvons pour la clore. Vous êtes avec Michel Zancarini-Fournel et Bibia Pavard, l'une des trois co-auteurs d'une très belle histoire des féminismes de 1789 à nos jours, parue récemment aux éditions de La Découverte et qui s'intitule joyeusement « Ne nous libérez pas, on s'en charge ». Vous nous expliquiez tout à l'heure comment vous aviez conçu cet ouvrage, pourquoi vous aviez toutes les trois estimé qu'il était nécessaire de l'écrire aujourd'hui. Certaines figures féministes longtemps oubliées ont été redécouvertes ces dernières années, grâce notamment au travail des historiennes et des historiens en ce sens. C'est le cas par exemple de Madeleine Pelletier, évoquée cette nuit. On pourrait citer bien d'autres exemples. Est-ce que parmi toutes ces figures que vous évoquez dans cet ouvrage, certaines vous paraissent faire encore l'objet d'une trop grande méconnaissance? Est-ce que vous avez un petit panthéon personnel de figures qui vous sont chères et qui restent, à votre sens, à découvrir? Je crois qu'il faut continuer cette recherche autour des femmes des Antilles, des femmes de ce qu'était l'Empire français, et qu'on commence à connaître beaucoup mieux, mais qui n'est pas encore suffisamment travaillé, et qui donc c'est ces figures là qui nous permettent voilà de redéfinir aussi des féminismes dans d'autres cadres, des féminismes différents. Je crois que cette proposition autour de l'intersectionnalité est vraiment donnera beaucoup beaucoup de travaux à l'avenir. Vous concluez ce livre sur le renouveau féministe auquel on assiste en ce début de 21e siècle, dont il est trop tôt bien sûr pour écrire l'histoire, mais dont vous écrivez que vous avez eu envie de souligner la force. Est-ce que, selon vous, les différentes formes que prennent les mouvements féministes depuis deux décennies, et singulièrement depuis le mouvement MeToo, marquent une nouvelle étape dans cette longue histoire ? Oui, la nouvelle étape qui nous a frappé et qui reste à confirmer, bien entendu, c'est une génération beaucoup plus jeune qui n'est pas forcément passée par l'université avec des études de genre ou des études sur les femmes et le genre, et qui s'engage dans le féminisme et avec une fougue, un entrain, une volonté vraiment de changer la vie, changer les comportements. Changer aussi le climat et les inégalités sociales, donc et le racisme. Donc il y a vraiment quelque chose d'une énergie fondamentale et en plus internationale. Donc il y a quelque chose de mondial, et je trouve que le rôle de la jeunesse est tout à fait frappant, comme elle avait été à la fin des années 60, qui ont donné ces moments 68. C'est-à-dire qu'on sent vraiment une vague. Maintenant, on sent aussi, on voit tous les jours l'antiféminisme et les antiféminismes très puissants. C'est un vrai rapport de force. On prolongera cette plongée dans l'histoire des féminismes la semaine prochaine avec une deuxième nuit des féminismes au cours de laquelle on fera comme un gros plan sur le mouvement de libération des femmes, le MLF, justement dans le sillage de mai 68. On a fêté l'an dernier les 50 ans du MLF. On écoutera des émissions qui donnent la parole à des femmes qui avaient participé au mouvement et qui l'ont raconté à l'antenne de France Culture. Merci beaucoup Florence Rochefort d'avoir été avec nous. Pour aller plus loin, je renvoie donc nos auditeurs à l'ouvrage que vous co-signez avec Bibia Pavard